3 mois et demi depuis l'annonce officielle du premier cas de Covid en France, 142 jours très précisément après, 4 semaines de déconfinement aujourd'hui dans l'attente d'une deuxième vague annoncée mais qui ne semble pas vouloir venir. Quel regard rétrospectif peut-on avoir sur l'ensemble de cette crise sanitaire mondiale? Des tout premiers cas en Chine, des alertes que l'immense majorité de l'Europe n'a pas entendues, des services de santé débordés, de la monopolisation de l'attention médiatique par une molécule au bénéfice douteux, de la compréhension progressive des mécaniques virales jusqu'à la décision de déconfiner. Retour aujourd'hui sur ces 3 mois et demi qui ont fait basculer la France et le monde dans l'ère de la Covid avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique et notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et bonjour Arnaud Fontanet. Bonjour. Mille merci d'être avec nous pour cette heure. Je sais que votre emploi du temps est extrêmement contraint. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, directeur de l'unité de recherche d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous étiez dans ce studio il y a très précisément 13 semaines, le vendredi 6 mars, une semaine avant l'annonce du confinement, 13 semaines plus tard, dont 8 de confinement. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va ? Ça va bien, merci. Non, on est... Pour l'instant, on a donc vécu ce qu'on redoutait le plus, hein, c'est-à-dire la vague extrêmement brutale des 2 premières semaines de mars de patients qui sont arrivés dans les réanimations et qui nous ont obligés à proposer des mesures extrêmement contraignantes pour limiter l'afflux de ces patients. Et puis maintenant, en sortie de confinement, eh bien, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien et on se félicite à la fois de la façon avec laquelle le confinement a été respecté, hein, qui a permis de revenir à une situation beaucoup plus gérable. Et puis forcément, on a un peu d'inquiétude par rapport à une reprise possible de l'épidémie, mais j'imagine qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Évidemment. Quand je dis que vos semaines sont remplies, c'est une forme d'euphémisme. Comment vous avez travaillé pendant toute cette période, depuis l'instauration du conseil scientifique, sous la présidence de Jean-François Delfraissy, mais avec d'autres chercheurs, comment ça s'est passé? Alors pour nous, c'est simple. On a des réunions téléphoniques tous les jours, 2 heures. Il faut évidemment les préparer. Il faut évidemment préparer aussi les avis que l'on émet et qui sont basés sur ces conversations qu'on a entre nous. Donc c'est, je dirais, presque 4 heures de travail tous les jours depuis le 11 mars. Mais je ne vous cache pas que le week-end dernier, ça a été relâche pour la première fois. Donc on a enfin pu profiter un peu des week-ends, et ça faisait beaucoup de bien à tout le monde. Oui, parce que c'est évidemment 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Là donc, ça s'est relâché un peu, ça se calme un peu ces derniers jours. Ça veut dire que, effectivement, les signes que l'on a entendus de la part des épidémiologistes, des virologues, également les retours du personnel hospitalier, tout ça va plutôt dans le bon sens? Pour l'instant, les indicateurs sont bons, hein. C'est-à-dire qu'on suit très près, évidemment, les indicateurs qu'on connaissait, qui sont les visites aux urgences du système au secours pour Covid-19, les admissions en hôpital, les admissions en réanimation pour Covid-19, et tout ça est en diminution constante depuis, première moitié d'avril à peu près. Et puis, les indicateurs nouveaux dont on dispose aujourd'hui, ce sont des tests qui sont réalisés non seulement dans les laboratoires hospitaliers, laboratoires de ville, mais également dans les 20 plateformes qui ont été rajoutées, qui permettent de faire 40 000 tests par jour à L20. Et ça, c'est vraiment l'indicateur nouveau et le plus important pour nous parce que il est immédiat. Hein, c'est le nombre de diagnostics positifs chaque jour. Et si les gens vont aller se faire tester, ça nous donnera vraiment une image en temps réel de la progression de l'épidémie qui nous permettrait, le cas échéant, d'envoyer des signaux d'alerte si l'épidémie reprend. Mais aujourd'hui, il y a tout de même une petite remontée un peu, on va dire, mathématique. C'est-à-dire qu'il était impossible, en laissant les gens circuler à nouveau, que ça ne reparte pas. Mais est-ce qu'on comprend finalement? Parce que tout le monde redoutait un peu, hein, cette deuxième vague. Elle n'arrive aujourd'hui nulle part. Néanmoins, on voit qu'il y a quelques clusters qui apparaissent ça et là, un peu partout en France. Est-ce qu'on comprend à quoi c'est dû finalement cette absence totale de reprise, cette remontée très très très faible du taux de reproduction? Alors la reprise, elle peut avoir une certaine inertie, hein. Donc il faut être prudent par rapport aux chiffres qu'on voit aujourd'hui. Si les changements changeaient au point que l'on puisse, enfin si les comportements changeaient au point que l'on ait un redémarrage de l'épidémie, il se peut qu'il faille 2 à 3 semaines avant qu'on constate dans les chiffres cette reprise, donc il faut rester extrêmement prudent. Donc aujourd'hui, on voit en gros 4 à 5 clusters par jour, un nouveau cluster qui signale le fait que le virus continue d'être présent, de circuler, mais qui sont de taille modeste et qui donc peuvent être contrôlés assez rapidement. On sait qu'on a aussi entre 500 et 1000 nouveaux cas par jour. Hein. Donc vraiment, le virus est toujours là. Mais heureusement, on n'a pas encore vu ce que l'on redoutait, hein, qui serait une remontée graduelle du nombre de nouveaux cas et puis plus tard d'admission à l'hôpital et en réanimation. Donc on peut s'en féliciter. Ça veut dire d'abord qu'on est parti de très bas. Hein. C'est que le confinement, il a bien marché. La transmission du virus a diminué de 80% sur le territoire français pendant la période du confinement. C'est peut-être un des meilleurs chiffres au niveau européen. On l'a vu d'ailleurs sur des cartes fournies par Google, des déplacements, etc., qui montrent que les Français, avec les Espagnols, sont ceux qui ont le plus réduit leurs déplacements, aussi bien à pied qu'en voiture, autour de leur domicile. Et puis, donc, on est sur une période où vraiment on part de très très bas, mais il faut se méfier parce que si l'épidémie devait reprendre, eh bien ça mettrait quelques semaines avant que ce soit décelable par les systèmes de surveillance qui sont actuellement en place. Bien entendu. Ce que je voulais dire, c'est que là on est à 4 semaines, donc on commence justement. S'il y avait une petite reprise, on verrait finalement le début d'une reprise ou d'une remontée des indicateurs s'amorcer. Or, il y a pour le moment quasiment pas cette amorce, ou alors vraiment beaucoup moins que ce que tous les modèles prévoyaient. Voilà. Alors il y a deux choses qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est essentiel pour que on puisse rester rassuré que les Français utilisent les moyens de dépistage qui ont été mis en place. On a une capacité qui permet de tester jusqu'à 100 000 personnes par jour, encore faut-il que cette capacité soit utilisée. C'est-à-dire que les gens qui ont des symptômes évocateurs de Covid aillent se faire dépister. Donc ils savent que s'ils ont des symptômes, ils peuvent soit appeler leur généraliste, soit à défaut appeler le 15 et être dirigés vers une plateforme de dépistage. Et du côté des systèmes de surveillance, on considère qu'il faut qu'il y ait au moins 50 000 tests réalisés par jour pour que l'on puisse dire qu'on a une bonne couverture nationale sur le nombre de tests qui nous permettrait de déceler une reprise de l'épidémie si elle avait lieu. Donc on est à ces 50 000 tests, ça commence à fléchir un petit peu, mais il faudrait vraiment s'y maintenir pour qu'on puisse être rassuré. Et parmi ces tests, il faut que moins de 2% soit positif, c'est-à-dire moins de 1000 cas chaque jour pour qu'on puisse dire que l'épidémie se contrôle. Donc ça, c'est vraiment une des conditions pour dire que le système de surveillance est en capacité de déceler une reprise de l'épidémie. Et puis l'autre élément qui est important, c'est de ne pas oublier des populations qui sont des populations plus précaires, en zone défavorisée, qui éventuellement n'ont pas de généraliste ou pourraient ne pas consulter si elles avaient des symptômes. Il faut aller au-devant de ces populations. Et c'est ce que les ARS ont fait en Île-de-France et dans la région Hauts-de-France, où ils ont mis en place des barnums où les gens peuvent venir se faire dépister, soit un test nasopharyngé pour voir s'il y a une présence active du virus, soit un dépistage sérologique pour les anticorps. Et ça, ces expériences sont très importantes parce qu'on sait aussi que l'épidémie a plus touché les quartiers défavorisés que les autres. Et ça s'est vu aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et on en parlait d'ailleurs hier dans l'émission qui était consacrée justement à l'épidémiologie sociale. C'était le thème de notre émission. On va vous mettre le lien sur le fil Facebook @laméthodefc. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte un peu maintenant le fil du temps, qu'on remonte au tout début de l'épidémie, qu'on revoie un peu comment tout cela s'est déroulé avec les éléments d'appréciation que nous avons aujourd'hui pour essayer de comprendre, eh bien, non seulement ce qui s'est passé, mais ce qu'il faudrait éviter de reproduire si jamais le cas devait se représenter. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous sommes donc avec Arnaud Fontanet, qui était épidémiologiste et membre du conseil scientifique, pour évoquer eh bien, un peu ce qui s'est déroulé au cours de ces 4 mois qui ont durablement marqué nos habitudes, mais aussi eh bien, la vie de l'ensemble des citoyens et des citoyennes de cette planète. Retour en Chine, Arnaud Fontanet, nous sommes au mois de décembre. Le gouvernement annonce officiellement des cas d'une pneumopathie atypique à la toute fin du mois, le 27 décembre. En fait, on a beaucoup dit que la Chine avait une responsabilité, c'est-à-dire que les informations n'avaient pas circulé suffisamment vite. Comment est-ce que vous apprenez, vous d'abord, Arnaud Fontanet, qu'il y a cette pneumopathie bizarre dont on ne sait pas trop de quoi il retourne, et à quel moment on commence à se rendre compte qu'il n'y a pas du tout deux cas ou deux malades comme la Chine l'annonce à ce moment-là, mais qu'il y a déjà plusieurs centaines de malades qui sont hospitalisés? Alors la première information qui est venue était transmise par une liste internet que les infectiologues reçoivent, qui s'appelle Promed. Et dans un des bulletins, je ne sais plus si c'est le 30 ou le 31 décembre 2019, était mentionné effectivement pour la première fois des cas de pneumopathie atypique. Et déjà dans ce premier bulletin était aussi mentionné le fait que un certain nombre de patients étaient rattachés à un marché, hein, qu'on disait être un marché de fruits de mer. Et ça, évidemment, pour toute la communauté scientifique dans le domaine des maladies infectieuses, ça évoquait immédiatement le SRAS, qui avait démarré en 2003 en Chine avec des pneumopathies atypiques qui étaient elles aussi rattachées à un marché d'animaux. Et au mois de décembre, donc là on est à la fin du mois de décembre, alors on reparlera de la question du patient zéro, mais il faut dire ce qui est, c'est que personne n'est vraiment très inquiet. On parle de 266 cas le 31 décembre, 380 le lendemain, donc on est dans une mécanique épidémique quand même assez forte déjà. Est-ce que tout le monde, et pas seulement la France, mais est-ce que tout le monde a un peu péché justement par excès de confiance parce que, eh bien malgré tout, les coronavirus précédents, le SRAS, le MERS, ce sont des épidémies qui ont été finalement très mesurées, très contrôlées et qu'on a réussi à endiguer très rapidement? Alors, on n'avait pas ces chiffres à l'époque. Les chiffres que vous citez de plus de 200 patients, etc., dont la dépêche du 30 ou du 31 décembre, c'était quelques cas, on devait être dizaine maximum, hein, pas plus. Il y en a une autre complémentaire qui est arrivée, j'aurais dit, le 13 janvier, et qui, elle, parlait de 41 patients. Donc, vous voyez, on était encore sur des effectifs faibles. Et dans cette dépêche du 13 janvier, on continuait de dire que la majorité d'entre eux étaient rattachés à ce marché de fruits de mer de Wuhan. Donc, on était dans un scénario qui était plutôt celui de quelques cas, quelques dizaines maximum, des pneumopathies atypiques. Effectivement, la notion de contact avec un marché, donc possiblement un nouveau coronavirus, mais surtout, on n'avait pas d'informations sur une possible transmission interhumaine. Et ça, c'était l'élément clé que l'on guettait, parce qu'on sait avec le SRAS de 2003 et le MERS qu'il y a beaucoup de transmissions, notamment dans les milieux hospitaliers, que évidemment, une transmission en milieu hospitalier, ça signe la transmission interhumaine, et ça, c'était l'information qu'on voulait avoir pour savoir si on avait un virus qui venait de passer de l'animal à l'homme dans le marché, et qui n'était pas encore adapté à l'homme, donc sans transmission interhumaine. Et finalement, cet épisode pourrait rester l'histoire malheureuse de 41 personnes qui avaient été infectées au contact d'animaux dans un marché, mais qui n'ont pas eu d'opportunité de transmettre à d'autres personnes, et donc cette histoire se terminerait d'elle-même, ou s'il y avait déjà une transmission interhumaine, et donc un risque épidémique, voire pandémique. Or, cette information nous manquait, nous a manqué jusqu'à la mi-janvier, et c'est elle qui aurait pu changer complètement notre attitude par rapport à un risque d'épidémie. En revanche, on ne sous-estimait pas la gravité d'une épidémie type SRAS ou MERS, qui, même si elles ont été beaucoup plus limitées dans leur ampleur, sont quand même des épidémies qui ont marqué leur temps. Parce que il faut préciser, hein, effectivement, que l'OMS, le bulletin de l'OMS en date du 5 janvier indique qu'il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine significative, donc on ne le sait pas encore. La question Arnaud Fontanet qui se pose, c'est que on a beaucoup entendu au début de l'épidémie des accusations envers le régime chinois d'avoir minimisé, d'avoir caché et d'avoir menti sur les chiffres. Est-ce que c'est aujourd'hui une réalité? Est-ce que la Chine a une part de responsabilité dans le fait d'avoir voulu cacher finalement le début de cette épidémie et donc d'avoir contribué à sa diffusion? Alors, je ne connais pas les chiffres exacts de l'époque, ce que les autorités chinoises savaient, etc., donc je ne pourrais pas commenter là-dessus. Le seul élément sur lequel, en revanche, je vais commenter, parce que je pense qu'il est important, c'était cette notion de transmission interhumaine, qui, une fois de plus, est facilement révélée par le fait que des personnels soignants tombent malades, parce que là, on doute bien qu'il y a eu transmission interhumaine au contact des patients. Et la Chine l'a révélé un peu plus tard. Ce qui s'est passé finalement, c'est que de mémoire, je dirais qu'autour du 13-15 janvier, on a appris successivement qu'il y avait une patiente qui avait été diagnostiquée en Thaïlande, c'était une Chinoise qui arrivait de Wuhan, et il y a eu la même chose au Japon deux jours plus tard. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui cloche, parce qu'on ne peut pas avoir 41 personnes infectées à Wuhan et déjà deux diagnostics qui sont faits dans des pays à l'étranger, c'est pas possible. Ou alors les gens de marché de Wuhan, ils voyagent énormément. Mmh. Donc cette remarque de bon sens, les Anglais de l'Imperial College l'ont mise en chiffres et ont estimé que pour qu'il y ait déjà deux cas de diagnostic à l'étranger, il fallait qu'il y ait au moins 1700 personnes infectées à Wuhan. Donc des chiffres qui n'avaient rien à voir avec ce que les rapports dont on disposait supposaient. Et là, on est au 17 janvier. Et très peu de temps après, les autorités chinoises nous disent que finalement, il y a beaucoup plus de cas que les 41 annoncés. Et puis, et ça je pense qu'on était vers le 20 janvier, un des pneumologues chinois qui avait été beaucoup impliqué dans l'épidémie de SARS fait une apparition publique sur la télévision chinoise et dit qu'il y avait des cas de transmission interhumaine auprès de personnel soignant. Et ça peut-être, je pense que c'est une information qui devait être disponible déjà plus tôt, parce que les cas chez les personnes soignantes, ça se repère facilement, et qu'il aurait été important de la connaître plus tôt, parce que là, on aurait su qu'il y avait un risque épidémique. Les chercheurs chinois identifient le virus le 7 janvier, on sait qu'il s'agit d'un coronavirus, ils le séquencent très très tôt, puisqu'on a, la, je crois, et je parle sous votre contrôle, Arnaud Fondanet, qu'on a le séquençage, le génome ARN du virus, dès le 11-12 janvier. Oui, le 10 janvier, la séquence complète est postée sur un site qui est vu par tous les virologues du monde entier, et ça c'est extrêmement important. Alors il y a eu une prouesse technique là quand même, pour arriver à sortir un nouveau coronavirus dans des temps aussi limités, et puis il y a eu cette volonté de partager cette séquence. Ça a été très important, parce que c'est ce qui a permis à tous les laboratoires du monde entier de créer ces fameuses sondes qu'on utilise, ces amorces pour les réactions d'amplification du génome, pour les diagnostics dans les prélèvements type crachat de patients qui viendraient dans les urgences des hôpitaux partout dans le monde entier avec une symptomatologie pulmonaire et une notion d'un voyage récent en Chine. Et donc la mise à disposition de cette séquence dès le 10 janvier a permis à tous les laboratoires du monde entier de s'équiper pour, vers le 17-20 janvier, être en mesure de faire des diagnostics s'il y avait des patients suspects qui venaient de Chine. Et ça, c'était quand même extrêmement important pour nos systèmes de surveillance. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent pendant ce mois de janvier. On voit qu'effectivement, le virus commence à sortir du pays pour le sud-est asiatique. Mais paradoxalement, vu d'Europe, tout le monde est vraiment pour... On a beaucoup discuté avec un certain nombre de vos confrères et de médecins et de chercheurs autour de la spécialité, de virologues, d'infectiologues, d'épidémiologistes, etc. Et vraiment, à cette époque-là, mi-janvier, fin janvier, avant même les premiers cas français, on se dit que ça va se cantonner à l'Asie. Vraiment, personne n'estime la possibilité de voyage de ce virus hors, finalement, du berceau asiatique. Alors, j'irai pas jusque-là, ça dépend d'où est-ce que vous mettez le mois de janvier, enfin, où est-ce que vous positionnez les choses. Les choses sont allées très vite. Mais, en gros, à partir du moment où il avait voyagé en Thaïlande, au Japon, etc., on pouvait se dire qu'il pouvait atteindre l'Europe et les États-Unis. En revanche, ce qui était vrai, c'est que dans ces pays, les épidémies restaient très limitées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de foyer majeur qui se développait dans les premiers pays d'Asie touchés, en tout cas pour le mois de janvier, et que donc on avait l'impression qu'il y avait une situation en Chine qu'on ne comprenait pas très bien. On a quand même vu des choses se détériorer quand il y a eu l'annonce de la mise sous cloche finalement de Wuhan puis de la province de Hubei. Ça, c'était sur la fin janvier. Donc là, on s'est dit, il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Mais les informations qu'on avait de Wuhan n'étaient pas très claires. En revanche, les informations des pays où des virus avaient été exportés en Asie du Sud-Est étaient plutôt globalement rassurantes. Et c'est vrai qu'on était dans cette période d'attente où on se disait, il y a un truc qui se passe en Chine, on ne sait pas trop. En revanche, dès que la ville de Wuhan a été complètement fermée de l'extérieur, donc là on s'est dit il y a une épidémie certainement très importante pour que le gouvernement chinois prenne une mesure pareille. Mais ailleurs, ça se passe pas trop mal. Et pour la France, finalement, les premiers cas qui ont été échelonnés du 24 au 30 janvier, ils étaient 6 au total, les choses se sont plutôt bien passées, au sens où les patients ont pu être isolés très rapidement et tous leurs contacts testés, et on n'a pas trouvé de cas secondaires parmi les contacts. Donc, on se trouve devant un virus qui peut s'exporter, certes, mais pas encore d'épidémie majeure en dehors de la Chine. En revanche, une situation où le plus on apprend sur la Chine, le plus on se rend compte que l'épidémie était très importante à Wuhan et des mesures majeures ont dû être mises en place pour la bloquer. Mais par exemple, le fait qu'il n'y ait eu quasiment peu ou prou aucune de mesures de contrôle dans les aéroports, à part quelques aéroports qui avaient des caméras pour prendre la température des voyageurs qui arrivaient. Mais finalement, tout a continué à circuler beaucoup. Et puis, on va se rendre compte que ça a eu une importance cruciale dans la diffusion du virus à l'échelle planétaire. Voilà. Après, il faut savoir que les mesures qu'on peut mettre dans les aéroports pour bloquer la circulation du virus, on sait tous qu'elles ont une efficacité limitée, parce que si des personnes sont en incubation, ils peuvent très bien passer au travers de vos caméras thermiques ou ne pas avoir de symptômes quand ils remplissent un questionnaire sur est-ce que vous avez des symptômes, etc., et puis révéler la maladie 2-3 jours plus tard. Donc l'important n'était pas tant d'avoir un contrôle strict aux aéroports, parce qu'on sait que ça marche de façon assez moyenne, mais en revanche, d'être en capacité, dans les différents pays, de détecter des foyers s'ils se déclaraient pour être capable de les contenir immédiatement. Et en France, ça s'est plutôt bien passé, au sens où les 6 premiers patients de janvier, l'épidémie, il n'y a pas eu d'épidémie, il y a eu des patients isolés et puis des contacts qui ont été testés sans qu'il y ait de cas secondaires. Il y a eu ensuite l'épisode des contamines, où là, le virus n'est pas arrivé de Chine, mais de Singapour, avec un sujet britannique qui a infecté sur son parcours 11 personnes, dont 6 dans un chalet aux contamines. Mais là aussi, les choses se sont plutôt bien passées, au sens où ces 6 personnes ont été mises en isolement, et tous les contacts ont été testés. Il y avait même un enfant qui est allé dans 3 écoles, et on n'a pas retrouvé de cas secondaires. Donc là encore, épisode des contamines, 8 février, on a l'impression qu'avec des mesures en étant très réactifs, on est capable de détecter et empêcher la diffusion du virus autour des premiers cas. Ce qui nous échappait à l'époque, c'était ce qui se passait dans l'Oise, puisqu'il y avait déjà une épidémie qui couvait dans l'Oise, qu'on n'a pas décelé au tout début, qui a dû démarrer quelque part dans la deuxième moitié de janvier, et qui s'est révélée beaucoup plus tardivement quand le 25 février, un enseignant d'un collège de Crépy-en-Valois décède à la Pitié-Salpêtrière. Et en remontant le fil, on se rend compte qu'il y avait un foyer qui était assez actif dans l'Oise, mais qui était passé sous le radar parce que la plupart des personnes faisaient des formes relativement mineures de la maladie. C'est ça, parce que donc 24 janvier, Agnès Buzyn, à l'époque ministre de la Santé, annonce les 3 premiers cas français. Et donc, ce qu'il faut comprendre, Arnaud Fontanès, c'est que finalement, ces premières vagues d'introduction, comme vous le dites, elles sont relativement bien contenues. Il y a le cas de l'Oise, mais c'est, en fait, il y a des introductions certainement multiples, puisqu'il va y avoir ensuite également le rassemblement évangélique de Mulhouse, qui va jouer un rôle crucial pour le déploiement de la maladie finalement en France. Introduction multiple, j'en suis pas absolument certain. Bon, peut-être, on saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que le foyer de l'Oise, en tout cas, il se développe assez bien pendant le courant du mois de février, mais une fois de plus, passe complètement sous le radar. Il y a vraiment ce sont avant tout des formes relativement mineures de la maladie, et il y a eu quelques hospitalisations, mais où le diagnostic n'a pas été fait, mais pas avec des formes majeures. C'est quand le patient, d'ailleurs, va présenter des signes de détérioration de son état clinique important, qu'il va être transféré à la Pitié et décédé en arrivant à la Pitié. Hein. Mais sinon, on est là et on est le 25 février. Donc, auparavant, les choses semblaient ne pas être inquiétantes. Hein. Et puis, je vous interromps. Pour le foyer de l'Oise, il y avait un lien avec la Chine ? Alors, on n'a pas formellement retrouvé ce lien avec la Chine. Il est vraisemblable parce qu'à l'époque, les virus nous arrivaient pour la grande majorité de Chine et que ça puisse passer dans la deuxième moitié de janvier, mais on n'a pas formellement retrouvé ce lien avec la Chine. Et pour ce qui est dans l'est de la France, il y a pu y avoir aussi un peu de diffusion du virus à bas bruit, sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte. Enfin, on peut pas du tout l'exclure. Il a bien fallu que les gens qui étaient au rassemblement de Mulhouse, quelques-uns d'entre eux, aient été infectés quelque part. Donc on a évoqué une piste avec le nord de l'Italie, mais il se pourrait aussi que ça ait été fait localement et qu'il y avait déjà un peu de diffusion. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que ce rassemblement qui a eu lieu du 17 au 22 février, avec 2000 personnes dans un espace très confiné, a contribué à la génération d'un nombre très important de cas soudainement dans un endroit. Et c'est ça, ces cas qui, quand ils sont arrivés dans les hôpitaux d'Est de la France, de Colmar, de Mulhouse et Strasbourg, ont fait basculer très vite l'épidémie dans les 2 premières semaines de mars, dans un niveau qu'on n'avait pas du tout anticipé par rapport à la rapidité avec laquelle ça s'est produit. Et les services de réanimation de ces 3 villes ont été très vite pris d'assaut et presque débordés. Alors, il y a plusieurs questions tout de même, Arnaud Fontanet, à ce propos. Parce que maintenant, des études rétrospectives, on s'est rendu compte que la première contamination en France date certainement du mois de décembre. On parlait tout à l'heure du patient zéro en Chine. Le premier cas est annoncé le 24 décembre, mais on sait maintenant qu'il y a des gens qui ont été contaminés dès début décembre et peut-être même dès mi-novembre. On parle, et alors on recoupe des choses différentes, mais on parle d'immunité croisée, on en reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que finalement il y a peut-être une plus grande partie de la population qui soit immunisée grâce à des immunités précédentes à d'autres formes de coronavirus. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se dire que le virus est circulé depuis plus longtemps, vraiment à bas bruit, c'est-à-dire en infectant peu les gens ou en produisant des formes très asymptomatiques, et qu'à un moment donné, il est fini par avoir un emballement, mais finalement que le virus ait été sur le territoire depuis plus longtemps? Alors, je pense pas que le virus ait été sur le territoire, que ce soit en Chine ou ailleurs, depuis beaucoup plus longtemps, parce que ce qui est quand même assez remarquable, c'est que la très grande majorité des souches virales, notamment du tout début de l'épidémie, hein, celles qui ont pu être séquencées, elles sont identiques. Or, c'est un virus qui mute, alors il mute pas beaucoup, moins que ce qu'on attendait, mais il mute tout de même, et à raison d'à peu près 2 mutations par mois. Or, les toutes premières séquences dont on dispose de ce virus, elles sont toutes absolument identiques. Donc, le démarrage de l'épidémie, je le situerais volontiers quelque part entre octobre et décembre dans la région de Wuhan. Il peut tout à fait qu'il y ait aussi quelques sorties de virus, mais qui ont donné naissance à des chaînes de transmission qui sont terminées d'elles-mêmes, hein, qui sont abortives. En revanche, la grande épidémie mondiale que l'on vit aujourd'hui, elle est quand même partie d'une souche, hein, qui se retrouve chez tous les premiers patients qui ont pu être séquencés en Chine et en Thaïlande. Et donc, il laisse entendre que l'émergence, elle est quelque part en fin novembre, début décembre. Bon, après, on peut tout à fait se tromper là-dessus, mais le fait que les souches soient toutes identiques va à l'encontre d'une hypothèse où le virus aurait circulé à bas bruit, il aurait tout de même muté, et du coup, les premières souches qu'on récupère, elles seraient toutes un petit peu différentes. Or, c'est pas le cas. Alors, tout de même, avant d'arriver justement à février, parce que les choses vont s'emballer vraiment en février, tout de même, les trois premiers cas français, c'est le 24 janvier, le rassemblement évangélique de Mulhouse, vous le dites, c'est en février. On a tout de même le sentiment que pendant un mois, on a quand même certains voyants qui s'allument et que personne ne fait grand-chose. C'est-à-dire que tout de même, il y a un temps de latence dans la réaction des autorités sanitaires et des autorités publiques, parce que par exemple, on commence à voir que en Italie, ça devient un peu plus sérieux. Et pourtant, eh bien, on a le sentiment qu'il y a, excusez-moi, passez-moi l'expression, mais un petit retard à l'allumage. C'est une réalité, ça, Arnaud Fontanet ? C'est une période qui était très étrange, hein, parce que on était quand même sur le qui-vive, et je pense que déjà Jérôme Salomon tous les soirs venait et nous donnait un petit peu la situation. Hein. On avait, alors plutôt à l'échelle mondiale, parce que entre le 8 février les contamines et le 25 février, il n'y avait pas de circulation détectée sur le territoire français. Donc c'est quand même difficile de se mettre en situation d'alerte maximale alors que on n'avait pas de virus décelé. Alors c'est vrai, hein, le virus circulait dans l'Oise à l'époque, on ne le voyait pas. Mais il est quand même difficile d'imaginer qu'on ait pu dire aux gens interdire des rassemblements, port du masque obligatoire pour tout le monde, etc., alors qu'il n'y avait pas de cas documentés sur le territoire français. Donc il faut... Ou peu, parce qu'il y avait les trois cas de fin janvier tout de même. Ah oui, mais il n'y avait plus de circulation autour. On avait isolé, il y a eu 6 cas fin janvier, et puis ces personnes ont été isolées, et il n'y avait aucun des contacts qui était infecté. Hein, donc on n'avait plus de circulation, ces cas-là, tout avait été complètement contrôlé. Même chose a été contaminé, 6 cas, mais tout contrôlé. Et après, tous les contacts sont négatifs. Les gens qui reviennent de Wuhan, à Carrivero, tous testés, tous négatifs. Donc on avait aussi ce sentiment un petit peu paradoxal d'être face à un virus qui n'était pas si transmissible que ça. On avait, alors là, en février, oui, l'évidence qu'il y avait une situation catastrophique dans la région de Wuhan et de Hubei, mais on disait vraisemblablement... l'épidémie, quand elle a été prise en main en Chine, a été prise en main trop tardivement et du coup était beaucoup plus difficile à contrôler. Et les autres foyers épidémiques qu'on avait ailleurs dans le monde n'étaient pas si sévères. Il y a eu quand même 2-3 alertes. Il y a eu un autre rassemblement évangélique, cette fois-ci en Corée, hein, qui, à Daegu, qui, ça c'était début février, mais qui a été contrôlé. Où les Coréens, alors, ont pris des mesures extrêmement draconiennes, mais ont réussi à contrôler ce foyer. Et puis il y avait l'Iran, hein, qu'on a vu quand même dans le courant du mois de février, l'épidémie se développait en Iran, alors très peu d'informations qui nous venaient, mais on doutait quand même que c'était assez fort. Et puis seulement, fin février, on a vu la situation se détériorer dans le nord de l'Italie, et c'était dans le même temps qu'il y avait, mais là c'est vraiment toute fin février et début mars, les premiers cas issus du rassemblement évangélique de Mulhouse qui se manifestaient par des patients qui arrivaient dans les hôpitaux dans l'est de la France, et puis, une fois de plus, fin 25 février, découverte d'un foyer dans l'Oise et on commence à remonter. Donc, mais 25 février, il y a 3 jours hein, pour arriver au 28. On est tout de suite dans le début du mois de mars. Et là, les 15 premiers jours de mars, la situation a complètement basculé, mais avec une vitesse qu'on n'avait aucun d'entre nous anticipé. Hein. Je pense que personne ne dira qu'il l'avait su à ce moment-là. Ce qui d'ailleurs, d'une certaine façon, nous a aidés hein, dans la prise de conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer, c'était le nord de l'Italie, parce qu'on voyait avec 7 à 10 jours d'avance par rapport à nous, le nord de l'Italie basculait dans une situation sanitaire dramatique et on se disait, ben, finalement, nous, ça va nous arriver aussi. On n'aurait pas eu le nord de l'Italie à l'époque pour nous dire, regardez ce qui peut se passer dans les 10-15 jours, je ne suis pas sûr qu'on aurait réagi comme on a réagi. Donc voilà, il faut être aussi très... très simple par rapport à ça. Mais ces 15 premiers jours de mars sont passés à une vitesse incroyable. Mmh. Je pense que rétrospectivement, on se dit tous, on aurait dû, etc. et compagnie. Mais quand on était dans le feu de l'action, le premier week-end de mars, quelques patients qui arrivent dans les réanimations, mais qui étaient des patients âgés, qui ont fait penser à certains que finalement, on était dans la même situation que la grippe, à savoir, malheureusement, des sujets très âgés qui, vulnérables, vont décéder, mais voilà, c'est une forme d'infection respiratoire comme la grippe. Le week-end suivant, du 6-7 mars, là, le profil des patients a changé. On a vu arriver dans les réanimations les fameuses pneumopathies inflammatoires du 7-9e jour, vous savez, qui, chez des gens qui s'amélioraient, basculent dans une réaction inflammatoire majeure, paradoxale, avec ce qu'on appelle cet orage cytokinique de molécules inflammatoires qui font que ces patients ont besoin effectivement d'aller en réanimation. Et là, on se retrouve devant une population plus jeune, avec des gens de moins de 60 ans, certains avec des comorbidités, notamment le surpoids, aussi diabète et hypertension. Et ça, le week-end du 6-7 mars, les réanimateurs du Grand Est et du Nord de Paris nous ont dit on est devant un truc qu'on n'a jamais vu. Et c'est ce qui a précipité la création de du conseil scientifique, la réunion du 12 mars et la prise de certains nombres de mesures qui ont abouti au confinement le 17 mars. Oui, puisque c'est ça. Donc tout bascule ce fameux week-end du 6-7 mars, effectivement. C'est à ce moment-là que le gouvernement décide d'établir le conseil scientifique auquel vous participez. Peut-être un mot à ce moment-là sur les premières réunions. Quel est le ton de ces réunions? Il y a quelques par-ci, par-là, des lanceurs d'alerte, ou en tout cas qui se disent tels, sans avoir aucune compétence en épidémiologie, qui commencent à dire « Oui, nous avions fait des grands billets pour avertir la Terre entière le 10 mars. Le 10 mars, c'était déjà trop tard. Tout le monde, enfin, en tout cas, vous, du côté des décideurs, même si l'opinion publique n'en a pas encore peut-être totalement conscience, vous savez que la vague arrive. » Alors, en fait, il y a eu une première réunion le 5 mars à l'Élysée, où étaient présents un certain nombre de scientifiques, dont certains vont être dans le conseil scientifique ensuite. Il y avait aussi des représentants de l'industrie diagnostique et de l'industrie vaccinale. Et puis, des membres du gouvernement, surtout du cabinet de l'Élysée, autour d'Emmanuel Macron. Là, on est le 5 mars. On est dans une situation un peu difficile parce que, comme je le disais, le week-end d'avant, on a eu les premiers patients en réanimation et des patients plutôt âgés. On a les tout premiers cas qui commencent à arriver dans le Grand Est, donc qui montrent qu'il y a une situation qui évolue très vite là-bas, également aussi dans les Hauts-de-France et Île-de-France. Mais pas tellement de données solides sur lesquelles on peut dire situation réellement grave qui se prépare, en dehors du fait que dans le nord de l'Italie, on voyait très bien que la situation était montée d'un cran et que c'était quelque chose qui pouvait tout à fait nous arriver. Et puis des modèles mathématiques qui, à l'époque, étaient finalement ceux que des Anglais de l'Imperial College avaient développés pour la population anglaise, mais qui n'est pas très différente de la population française dans sa structure, et qui s'est laissé entendre que si rien n'était fait, on pouvait avoir des centaines de milliers de personnes décédés de ce nouveau coronavirus. Mais on sait tous que les modèles mathématiques, eh bien, dans le passé, il y en a quelques-uns qui ont prédit à tort des crises sanitaires qui n'ont pas eu lieu, que ces modèles ont des hypothèses qui sont quelquefois très fortes, surtout en dépit d'épidémies quand on n'a pas les bons paramètres, etc. Mmh. Donc on était quand même inquiets, on l'a dit à Emmanuel Macron, et ça a été très clair là-dessus. Et d'ailleurs, le week-end suivant, les décisions ont été prises pour changer de braquet par rapport à l'épidémie. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même parmi nous des avis un peu divergents parce que la situation était vraiment à son tout début de la phase de gravité exceptionnelle qu'on a connue ensuite. Il va falloir encore une semaine, effectivement, pour se rendre compte de l'ampleur de cette épidémie et décider le confinement. On en parle dans un instant. Late one night in the dark, blue-collar scientist is pulling theories apart. From lack of evidence, he's drifting, tuning out. And one night curled up to sleep, the other opening, and now he's starting to see things in the microscope. Oh, monads, here we go. Darkest place, infinite space, a crowded mothball room, pulling on a vinyl shift, a shopping list, a half-remembered tune. Oh, come back to you. He's rocking to and fro and his big idea of fame. Squeezing lemons at the horse, the horse, the horse of the year show. And shouting for their words upon the balcony, the Pope is ready to go. Out for some R&D, he works the kosher crowd. Even in the darkest place, infinite space, a crowded marble ballroom, pulling on a vinyl shift, a shopping list, a half-remembered tune. The Scientist de Dictaphone à 16h35 sur France Culture. Nous parlons eh bien de cette crise sanitaire inédite avec un regard rétrospectif, celui d'Arnaud Fontanet qui est au conseil scientifique auprès du président de la République, qui est également épidémiologiste et directeur de l'unité de recherche d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur et professeur au CNAM. À quel moment est décidé le confinement, Arnaud Fontanet ? Alors, d'abord le 12 mars, une série de mesures a été prise, hein, parce que là, on était maintenant convaincu que on partait vers une crise sanitaire majeure. Après, on n'était pas encore sûr que l'on irait sur un confinement comme celui qu'on a connu. Le 14 mars, on se réunit à nouveau et on se dit tous que les messages que Emmanuel Macron avait donnés le jeudi soir n'ont pas nécessairement été entendus par toute la population, parce qu'on voyait bien que dans les rues, les gens continuaient à sortir en ne respectant pas les gestes barrières, la distance physique, etc. Et puis, donc, un petit coup de vis encore. Et puis, le 16 mars, devant la constatation que les mesures de respect, justement, des gestes barrières et distances physiques n'étant pas respectées, il fallait qu'on aille jusqu'au confinement. Donc nos propositions à ce moment-là ont été de partir vers quelque chose de beaucoup plus rigoureux. On va revenir hein, sur ce confinement. On évoquait tout à l'heure la question de peut-être d'un petit retard à l'allumage. On note par exemple que le début de la collecte des données épidémiologiques, ça ne commence que le 5 mars. Donc c'est tout de même très très tard. Il n'y a pas de données véritablement qui sont collectées avant ça. Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Moi, j'écoutais assez régulièrement le bulletin de Jérôme Salomon mais je ne saurais pas vous dire exactement à partir de quand les données épidémiologiques plus spécifiques sur Covid-19 sont devenues disponibles. Et je ne peux pas commenter là, je ne saurais pas. D'accord, la collecte a été déclenchée a priori le 5 mars, et c'est Raya Maouche hein, qui suit ça de très près, qui nous l'a signalé sur Twitter. Alors sur cette histoire de confinement, il y a eu évidemment beaucoup de critiques sur deux choses. La première, c'est que le gouvernement, le chef de l'État, a dit, ou en tout cas a justifié sa décision de maintenir le premier tour de l'élection municipale, justement bien en se réclamant des avis du conseil scientifique. C'était une erreur. Alors, il faut bien comprendre les rôles qui sont différents entre ce que fait le conseil scientifique, qui donne des avis sanitaires, et puis le politique qui décide, non seulement en fonction de l'avis sanitaire, mais qui prend en compte d'autres éléments qui, dans le cas d'une élection par exemple, c'est le jeu de la vie démocratique, hein, dont on considère que c'est une valeur essentielle de notre société. Donc nous, ce qu'on a pu faire pendant le 12 et le 14 mars, quand l'avis nous a été demandé, c'était de faire ce qu'on appelle une analyse de risque, et de dire, si vous maintenez le premier tour, voilà les risques que vous encourez, et voilà les mesures qu'il faut prendre pour faire face à ces risques. Et puis là-dessus, le politique, il prend cet avis sanitaire et il décide ou non de maintenir les élections, et il le fait en prenant en compte un ensemble de considérations qui vont bien au-delà du risque sanitaire. Et c'est comme ça que les rôles doivent être partagés. Je pense que c'est important que nous, en tant que conseil scientifique du domaine de la santé, on reste dans notre discipline, et puis que les arbitrages se fassent au niveau politique en prenant en compte d'autres éléments. Pour vous donner un exemple, depuis le début, évidemment, on est conscient des conséquences économiques majeures que le confinement va avoir. Mais on s'est toujours interdit de les faire intervenir dans notre raisonnement, parce que d'abord, on n'est pas compétent pour le faire. Bien sûr. Et puis ensuite, parce que c'est le travail d'autres personnes. Et c'est au gouvernement de mettre après dans la balance. Alors voilà, le conseil scientifique il nous dit les risques sanitaires, ils sont là. Et puis nous, on a tel risque sociétal, tel risque économique. Et sur la base de tout ça, on fait des arbitrages. Et d'ailleurs, ils ne vont pas suivre nécessairement nos avis. Et pour moi, c'est parfaitement normal. Le politique est dans son rôle en prenant des décisions qui ne sont pas des décisions faciles. Je pense que Edouard Philippe l'a très bien résumé en disant il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions. Et nous, en revanche, en tant que conseil scientifique, on a toujours fait attention à rester strictement dans notre rôle sanitaire. Et ça, c'est très important. Mais vous aviez rendu un avis favorable pour le maintien du premier tour de l'élection municipale? On n'avait pas rendu un avis favorable pour le maintien du premier tour. On avait dit cette décision, elle est éminemment politique. Et si la décision était prise d'organiser le premier tour, voilà dans quelles circonstances il faudrait le faire et voilà quel niveau de risque, le niveau de risque auquel la population serait exposée. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle une analyse de risque. Donc à chaque fois, on donne un niveau de risque et après, c'est aux politiques de décider s'il veut prendre ce niveau de risque ou s'il considère que, on ne le prend pas et à ce moment-là, voilà. On sait s'il y a eu des conséquences en termes justement épidémiologiques de ce premier tour. On sait si ça a contribué à ce moment particulier où, la première vague était en train de frapper le pays de plein fouet. Si ça a contribué à diffuser la maladie. Alors je ne suis au courant que d'une étude de modélisation qui aurait été effectuée par une équipe de l'Hôtel Dieu, dont j'ai vu des comptes rendus dans la presse, mais j'ai pas encore vu le papier sortir, qui disait qu'il n'y avait pas eu de conséquences. Mais je ne saurais pas vous dire. J'ai pas d'éléments supplémentaires je ne sais pas si ce travail est d'ailleurs méthodologiquement faisable. Hein. Je pense que ce serait assez difficile parce que on était encore à un moment où et c'est pour ça d'ailleurs que la situation a évolué vers un confinement beaucoup plus fort le 17 mars, c'est qu'on se rendait compte que dans tout ce week-end, les gens continuaient à sortir et ne prenaient pas les précautions qu'ils auraient dû prendre. Et que nous, on aurait espéré voir déjà prises à partir des décisions qui avaient été proposées le 12 mars. Il y a une autre décision qui a été importante, c'est celle de fermer les écoles et qui a donné lieu vraiment à une forme d'incompréhension. Parce que à ce moment-là, l'état de connaissance du virus est le suivant, c'est qu'on pense, et vous m'arrêtez ou vous me corrigez si je me trompe, Arnaud Fontanet, mais on pense à ce moment-là que les enfants sont potentiellement un foyer infectieux important. Et donc on décide surtout de fermer les écoles pour éviter d'amplifier encore cette vague épidémique. Et puis on va se rendre compte au fur et à mesure de la découverte et de l'apprentissage de la nature de ce virus que ça n'est pas le cas. Alors, il est intéressant de regarder ce qu'on avait écrit le 12 mars dans l'avis, qui est public une fois de plus, que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de la Santé. On avait très peu d'informations à l'époque sur la possible contagiosité à partir des enfants. On savait quand même qu'avec le coronavirus du SRAS, les enfants étaient moins infectés et moins contagieux. On avait cet élément. Et on savait aussi déjà, avec ce nouveau coronavirus, qu'il y avait très peu d'enfants qui faisaient des formes sévères de la maladie. Donc on ne se mettait pas dans la même situation que la grippe, où là on sait pertinemment qu'avec la grippe, les enfants sont des moteurs de l'épidémie, notamment les classes, et que les fermetures pour les vacances scolaires ont un impact très net sur la dynamique des épidémies de grippe. Mais on a réuni dans cet avis du 12 mars les quelques éléments de la littérature qui étaient disponibles, avec quand même des éléments d'inquiétude qui étaient que des enfants pouvaient faire des formes asymptomatiques, mais avoir du virus dans la gorge notamment, même s'ils étaient asymptomatiques, et des concentrations virales qui n'étaient pas différentes de celles des adultes, qui sont des faits qui se sont confirmés par la suite. Hein. Et là, je parle aussi d'enfants de moins de 10 ans. Néanmoins, ce qu'on a appris depuis, et que des études, au jour le jour, on a des nouvelles études, et je crois qu'il y a une étude néerlandaise qui vient encore aujourd'hui d'être publiée, mais vous voyez, c'est des choses très récentes, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a finalement deux situations un peu différentes. Il y a, j'ai envie de dire, des collégiens et des lycéens, et notamment des lycéens, pour lesquels on a pu faire une enquête, notamment à Crépy-en-Valois, où on a vu qu'il y a eu une épidémie dans un lycée, avec 38% des lycéens infectés, 43% des enseignants, 59% des personnes de l'établissement scolaire. Donc là, clairement, un virus qui a circulé dans un lycée avec une épidémie importante. Et donc les lycéens qui sont des adolescents, ils se comportent finalement presque comme des jeunes adultes en termes de capacité à développer des formes cliniques de la maladie et contagiosité. Et donc il faut être extrêmement vigilant dans les collèges et les lycées parce que là, il y a des regroupements et des possibilités de transmission et de foyers épidémiques. Chez les plus jeunes, chez les moins de 10 ans, la situation semble être différente. Et ce qu'on a depuis accumulé comme connaissance, notamment avec des études en Australie et donc très récemment aux Pays-Bas, c'est que les enfants peuvent être éventuellement infectés par leurs parents, mais probablement se transmettent très peu l'infection entre eux ou, par exemple, vers des enseignants. Et en tout cas, ils ne font pas des formes graves de la maladie, en dehors des très rares syndromes de, qu'on a dit Kawasaki. Voilà, c'est une maladie un peu auto-immune qui touche le domaine vasculaire, hein, le compartiment vasculaire. Et là, mais qui reste exceptionnel. Hein. Il faut quand même se rassurer là-dessus, même s'il y a eu malheureusement à peu près 150 cas en France, un peu plus maintenant. Donc, les enfants les plus jeunes, eux, vont très vraisemblablement ne pas être contagieux. Mais ça, c'est des choses que l'on a appris depuis très récemment. Alors, il faut savoir que le fait d'avoir fermé des écoles, et notamment les écoles primaires, a eu un effet indirect, je pense, de garder à domicile des parents. Et a contribué ainsi à encourager le télétravail pour ceux, en tout cas, qui pouvaient passer en télétravail. Et que d'une certaine façon, il y a des travaux de modélisation qui l'ont montré, ont contribué aussi au contrôle de l'épidémie de façon un peu indirecte. Maintenant, voilà, les connaissances, elles évoluent. Et je pense qu'on en prendra en compte pour la rentrée prochaine. Bon, on est déjà très avancé hein, dans l'année scolaire actuelle. Pour décider de comment les écoles peuvent ouvrir et quelles précautions doivent être prises. Mais il y a bien eu là quelque chose, un petit couac, en tout cas dans la communication envers le grand public, qui ne comprenait pas d'un seul coup qu'on rouvre les écoles pour renvoyer les enfants dans ces endroits où dont on leur avait dit qu'ils étaient potentiellement des lieux où ils allaient se surcontaminer et participer au développement de la maladie. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un couac de communication, je ne sais pas à quel point le grand public était déjà au courant de quelques études qui ont été faites. Hein. Je pense qu'il y a un pédiatre, Robert Cohen... croyez-moi. Voilà, depuis un certain temps, communique sur le fait qu'il pense que les enfants sont peu contagieux, en tout cas les moins de 10 ans. Et puis, il y a d'autres études qui sont en cours, auxquelles nous, on participe, et qui vont dans le même sens. Donc, mais il y a peut-être eu, effectivement, à ce moment-là, un couac de communication... mais voilà, on est sur des connaissances aussi qui évoluent extrêmement vite... Et pas forcément toujours partagé en temps réel. Bien sûr, il y a la question notamment de l'asymptomatisme. À quel moment on comprend que il y a cette mécanique infectieuse qui fait que d'ailleurs, à partir du moment où on sait ça, on sait que c'est fini, que toutes les sociétés sont battues, c'est-à-dire que les gens deviennent très infectieux 48 heures avant de déclarer les symptômes et qu'ils sont asymptomatiques et que pendant 48 heures, ce sont de véritables petites bombes virales. Ouais, alors ça, c'était effectivement ce qui, pour nous, a été le fait le plus tragique dans notre compréhension de l'épidémie et de son potentiel évolutif, c'est quand on a constaté que des personnes... Alors, il y a deux questions à différencier. Il y a celle que vous avez décrite qui est probablement majoritaire et très vraie, qui est que des personnes deviennent contagieuses 48 heures avant le début des symptômes et sont très contagieux au début de la période symptomatique et puis après se décroît assez vite au cours de la semaine. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui vont faire des formes totalement asymptomatiques de l'infection, c'est-à-dire qu'ils vont être infectés, n'avoir aucun symptôme et puis guérir de cette infection sans avoir jamais montré de symptômes. Alors ceux-là, on a du mal à estimer, ça pourrait être 20-40% des infections, on ne sait pas très bien parce qu'ils sont très durs à détecter, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de symptômes. Selon votre étude de Crépy-en-Ballois, vous étiez arrivé aux alentours de 17%, mais vous pensiez que c'était un peu, mais que c'était sous-estimé. C'est la fourchette basse, parce qu'il y a des gens qui sont déclarés symptomatiques, qui auraient pu avoir eu des symptômes d'autres virus respiratoires qui circulaient. Et l'ensemble des études convergent pour dire que c'est 20 à 40%. En revanche, leur contribution à la transmission de ces gens qui restent parfaitement asymptomatiques, elle n'est pas encore évaluée, et je l'espère relativement faible, parce qu'ils sont extrêmement difficiles, comme vous comprenez, à repérer, et donc à isoler de fait. Maintenant, la phase présymptomatique, elle, c'est elle qui aujourd'hui nous a donné le plus de fil à retordre. Bien sûr. Elle débute en effet 48 heures avant le début des symptômes. La première publication qui en a parlé, c'est une publication d'un groupe allemand et c'est le 1er février. D'accord. Mais cette publication va d'ailleurs devenir extrêmement polémique très vite parce que des personnes qui avaient enquêté sur le même cluster avec un sujet qui aurait été contagieux et qui aurait été lui-même affecté par une collègue chinoise qui n'avait pas présenté de symptômes au moment où elle était contagieuse. Des personnes qui avaient fait la même enquête ont dit si, la collègue chinoise avait des symptômes, etc. Donc il y a une polémique qui a suivi, je vais passer dessus, mais c'est pour vous dire aussi que cette première publication a été très vite challengée. Et puis, on a eu, tout dans le courant du mois de février, plusieurs publications qui rapportent des faits troublants de même nature. Alors il faut savoir aussi qu'on ne va pas changer un dogme sur une publication. Bien sûr, évidemment. Nous, on était quand même avec les coronavirus, c'était le SRAS hein, et le MERS qui étaient nos référents. Et avec le SRAS, ce qui quand même nous avait permis de contrôler l'épidémie, c'était le fait que les personnes infectées par ce coronavirus du SRAS n'étaient contagieuses que 3 à 4 jours après le début des symptômes. Donc on avait 3 à 4 jours pour repérer les malades et les isoler. Et c'est grâce à ça qu'on a contrôlé l'épidémie de SRAS. Et avec le SRAS aussi, il n'y avait pas de forme mineure de la maladie. Il n'y avait que des formes très sévères. Donc quand vous conjuguez le fait que les gens sont toujours très symptomatiques avec le SRAS et ne sont contagieux que 3 à 4 jours après le début des symptômes, eh bien les méthodes d'isolement marchaient très bien. Et c'est comme ça qu'on a contrôlé l'épidémie de SRAS. Mmh. Et avant de faire tomber ce dogme, il a fallu quand même plus d'une publication qui en plus était très controversée. Donc c'est plutôt vers la fin février qu'on se dit, là il commence à y avoir vraiment beaucoup de faits concordants qui laissent entendre que des personnes peuvent être contagieuses avant le début des symptômes. Autre élément très important avec ce nouveau coronavirus, et qu'on a su que relativement récemment, c'est que les concentrations de virus qu'on a dans le fond de la gorge sont beaucoup plus élevées que celles qu'on rencontre avec d'autres virus respiratoires, et notamment avec le coronavirus du SRAS. Il y a même des personnes qu'on considère être des super propagateurs, hein, un peu comme le Britannique qui avait contaminé 11 personnes sur son trajet en passant par les contamines. Eh bien, ces personnes, ces super propagateurs, peuvent avoir des concentrations virales dans le fond de la gorge qui sont jusqu'à 1000 fois supérieures à celle qu'on observe avec le coronavirus du SRAS, qui lui est beaucoup plus dans le fond des poumons. Donc avec le coronavirus du SRAS, vous devez tousser pour avoir des particules virales qui finalement reviennent à la surface et deviennent contaminantes, alors qu'avec ce coronavirus, parce que vous avez des concentrations très élevées dans le fond de la gorge, même en parlant, vous pouvez émettre des particules virales. Des petits postillons. Et là, plus inquiétant, au-delà de ces fameuses gouttelettes dont on a beaucoup parlé, hein, qui vont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, qui contaminent les surfaces, qui font que vous devez maintenir une distance physique, que vous devez vous laver les mains régulièrement parce que vous pouvez avoir touché des surfaces contaminées, il pourrait y avoir, avec ce nouveau coronavirus, des particules très fines, de l'ordre du micron, qui peuvent, elles, rester en suspension dans l'air. Et parce que les concentrations de virus sont extrêmement élevées dans le fond de la gorge, elles pourraient contenir des virions et devenir contaminantes. Ça, c'est la question des aérosols. Des aérosols. Mmh. Et on a maintenant un faisceau d'arguments pour dire qu'il y a eu des circonstances de gens qui sont restés dans des espaces confinés sur des périodes prolongées où la contamination aurait pu aller au-delà de la projection de ces fameuses gouttelettes jusqu'à 1 mètre et où la distance physique vous protège, mais peut-être par inhalation de ces aérosols qui auraient été contaminés. Alors, attention, hein, parce que là, on est en train d'ouvrir la porte vers des inquiétudes majeures en disant ça y est, le virus est partout. Si c'était réellement le cas et que ça contribuait beaucoup à la transmission, le nombre de reproductions de ce nouveau coronavirus ne serait pas 2 ou 3 tel qu'il a été estimé dans l'immense majorité des études, mais il serait beaucoup plus élevé. Oui, de 10, 12, 20, oui, c'est ça. Comme on le voit dans la rougeole. Donc, ce nouveau mode de transmission, je le mentionne parce que ça fait partie quand même des connaissances acquises depuis le début de l'épidémie. Il faut savoir qu'il est très important d'aérer régulièrement les pièces parce que ce type de transmission peut contribuer à la transmission, mais heureusement, ce n'est pas le mode de contamination prioritaire. Bien sûr. En revanche, il va être important de prendre en compte l'aération des locaux confinés, certains systèmes de ventilation qui vont devoir être révisés, et puis le port du masque, qui lui est devenu beaucoup plus compréhensible, si vous voulez, dans le caractère protecteur qu'il apporte, pour deux raisons. D'une part, parce que, on l'a dit, des gens peuvent être contagieux sans avoir aucun symptôme, donc quand vous portez le masque, vous protégez votre entourage, si vous étiez en période pré-symptomatique. Et d'autre part, parce que dans les espaces confinés, eh bien, le port du masque vous évitera d'émettre des particules virales, même en parlant, qui pourraient être contaminantes pour d'autres, voire vous protégera, mais seulement partiellement pour un masque chirurgical, de particules virales qui seraient en suspension dans l'air. Une question, il nous reste quelques minutes, il y a deux points que j'aimerais aborder avec vous, mais une question vraiment rapide, Arnaud Fontanet. Est-il vrai que si la France avait eu 15, 20 000 lits de réanimation, il n'y aurait pas eu besoin de confinement? Alors je pense qu'on n'aurait jamais laissé de toute façon volontairement se développer l'épidémie au point de remplir 15 à 20 000 lits de réanimation, parce que le coût humain est énorme. 15 à 20 000 lits de réanimation, c'est une mortalité associée de, je ne sais pas, peut-être un tiers pour chaque personne qui passe en réanimation. Donc je pense que personne n'aurait voulu aller jusqu'à remplir complètement vos lits de réanimation avant de décider un confinement. Mais en revanche, avoir plus de lits de réanimation aurait évité les quelques périodes critiques qui ont été vécues localement dans des zones où des patients affluaient en réanimation et où il n'y avait pas assez de lits. Il faut cependant réaliser que la montée en charge du nombre de réanimations, de lits de réanimation, on en avait 5 000 au départ, qui est monté jusqu'à 10 000, voire 12 000 potentiels, a été quand même une certaine forme de réussite, hein, parce qu'il y a eu une capacité d'augmenter les admissions en réanimation qui s'est mise en place rapidement, et puis il y a eu ces transferts de patients qui ont aussi bien fonctionné. Bien sûr, mais qui était là aussi pour contrebalancer la fermeture des lits précédents. Donc ça a été un peu une solution d'urgence et pas une solution pérenne. Alors il est vrai que si vous comparez avec des pays comme l'Allemagne par exemple, voilà. Vous avez d'emblée des capacités de lits de réa. De 25 000 en Allemagne. Mais de toute façon, je pense qu'on n'aurait jamais laissé filer l'épidémie jusqu'à saturer les lits de réanimation. Bien sûr. Saturer les lits de réanimation, ça veut quand même dire qu'il y a une morbidité sévère et une mortalité associée qui est très forte. Un fait marquant, Arnaud Fontanet, ce sera malheureusement pour conclure, mais on va essayer de faire une question qui englobe le tout. Un fait marquant de cette épidémie, c'est aussi ce qui s'est passé et le débat sur l'hydroxychloroquine qui a complètement pourri la société française et qui a rendu les choses vraiment très très compliquées et complètement illisibles, devenues encore plus illisibles après l'étude récente de Lancet dont on a parlé dans une des radiographies et qui a été manifestement mal faite sur des données peu fiables. Quelle lecture vous faites de cette polémique qui est née de l'image du scientifique et de ce que cette polémique, entre autres, mais de ce que cette crise va provoquer dans le futur à propos de l'image des scientifiques pour le public français? Alors, je ne saurais pas trop dire de quelle façon l'image des scientifiques a pâti dans l'opinion publique française de la crise de la chloroquine, mais pour moi, ça reste quand même un exemple d'une confusion qui est née du fait qu'on n'est pas parti sur les standards de la rigueur scientifique qui sont l'essai randomisé, contrôlé et, quand c'est possible, en double aveugle. Alors, randomisé, ça veut dire tirage au sort. Contrôlé, c'est-à-dire un bras comparatif. Parce que si on n'a pas tirage au sort et si on n'a pas un bras comparatif, on ne peut pas conclure. Donc, je pense qu'il faut, dans une émission qui s'appelle « La méthode scientifique », rappeler que la façon rigoureuse d'évaluer des médicaments, c'est l'essai randomisé contrôlé, et puis quand on peut en double aveugle, c'est-à-dire que les patients ne savent qui reçoit quoi. Avec contre placebo quand il n'y a pas de traitement efficace, ou contre le traitement standard efficace du moment quand on a un traitement déjà. Et si on avait commencé d'emblée par des essais randomisés contrôlés, je pense que la réponse, on l'aurait eu très vite. Et aujourd'hui d'ailleurs, on est encore en train d'attendre la réponse par les essais randomisés parce qu'on se rend bien compte que des études non contrôlées n'ont pas permis de conclure. Elles vont dans tous les sens. Il y a des études qui disent ça marche, des études qui disent ça marche pas. Alors que on aura peut-être prochainement la réponse de l'essai recovery en Angleterre avec 11 000 patients déjà inclus. Je ne sais pas combien sont dans le bras chloroquine, mais il y en a un certain nombre qui ont reçu l'hydroxychloroquine. Et d'ailleurs, ils ont examiné leurs données très récemment et ils ont décidé de continuer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une surmortalité dans le bras hydroxychloroquine qui les ont amenés à arrêter ce bras. Donc les résultats du Lancet, ils les ont pas observés dans cet essai randomisé contrôlé. Mais ils n'ont pas non plus vu ni une efficacité majeure de l'hydroxychloroquine, ni un défaut majeur de l'hydroxychloroquine. Sinon, ils auraient aussi soit décidé d'arrêter le bras pour donner à tout le monde de l'hydroxychloroquine, enfin l'essai plutôt, soit d'arrêter le bras hydroxychloroquine s'il était défectueux. Mais voilà, il faut malheureusement quelquefois prendre du temps pour pouvoir conclure, mais conclure avec des bonnes connaissances. Et dans un essai randomisé aussi, vous êtes sûr que les patients sont dans des bonnes conditions de surveillance s'il y a des effets indésirables potentiels, comme on le fait, les troubles de risque cardiaque avec l'hydroxychloroquine. Bien sûr. Bon, on arrive malheureusement au terme de cette heure. On vous aurait bien gardé une heure de plus. C'était passionnant de vous entendre. Merci beaucoup, Arnaud Fontanet, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous offrir ce regard rétrospectif et, à mon avis, assez indispensable sur les débuts et le déroulement de cette crise sanitaire. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Trioux, Dominique Naguet Saint-Vulfranc, Alexandra Delbault, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Demain, nous vous proposons, bien comme tous les vendredis depuis le début de la crise, une nouvelle écoute, mais cette fois de l'un des entretiens de science-fiction qui m'est peut-être le plus cher, celui de Robert Charles Wilson, qui avait répondu à nos questions à l'occasion de l'apparition en France de son roman La Cité du Futur. Une heure de conversation avec l'auteur du génial et de l'indispensable Spin. Ce sera demain à 16h et avant cela, on se retrouve demain matin à 8h55 pour la prochaine radiographie du coronavirus, jusqu'à preuve du contraire.